jour ne dites rien. On oubliera comme à chaque fois l'écran éteint. Laissons lourd d'un angemot qui ne s'empresse pas de s'enfuir. L'image floue en nourrit les allumés de couleurs visuelles et de l'or se dorir. Hey! Les paupières toujours.